acquise ce trophée. Au chantier des braves, si je tombe, je me refais. Une allure sombre, sans reflet. À force de creuser dans l'ombre, j'en suis satisfait. Je suis pas dans une fiction, ni un conte de fées. Les sensations, l'action, c'est ce qui me plaît. La vie a beau me boxer, je reste fair play. Avoir le sourire quand tout va mal, ça déplaît. Si tout va bien, la vie t'affiche d'autres plaies.